cours numéro 11. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wahda. Wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'dah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala al-imam al-shaykh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullahu ta'ala حال المؤمن وغير المؤمن في معاشرة الخلق. Après avoir cité un bab nafis, et le chapitre précédent qu'on a lu ensemble dans notre dernier dors, il avait comparé la situation du mu'min et du kafir عند المصائب, quand ils sont touchés par un mal, par une épreuve. واستفدنا كثيرا ولله الحمد. ثم هنا قال حال المؤمن وغير المؤمن في معاشرة الخلق. أي la situation du mu'min et du kafir في معاشرة الخلق. المعاشرة c'est le fait de côtoyer, se mélanger. تعلمون أن الإنسان لابد من معاشرة الناس. T'es obligé de fréquenter. Tu dois acheter des choses, au masjid tu rencontres des personnes. Tu te maries, tu as des enfants, tu as un père, tu as une mère. Tu es dans un pays, il y a forcément des responsables, il y a un gouverneur, il y a un gouvernement, tu as des voisins. Mouhim, tu ne peux pas vivre tout seul. Labud min mu'ashara. Pourquoi Al-Mu'allif, rahimahullah, il a cité hada al-bab huna. Li'anna, al-Sheikh Sa'di, rahimahullah, dans cette risala, son but, c'est de montrer anna al-sa'adata, c'est pas fi, ou c'est pas inda al-kuffar. Si on récapitule brièvement, ma taqaddam anna hadha ar-rajul ta'athara bil kuffar, et il a pensé que rejoindre les kuffars, voyager, vivre avec eux et les suivre et délaisser l'islam, ça va être quoi la cause de son bonheur. Thumma, il a été conseillé au début du livre dans le dialogue walillahi alhamd istafadna. Thumma Sheikh Sa'di rahimahullah l'an dans ses derniers chapitres, il lui montre comment être heureux. Fali hadha, parmi les choses que le musulman doit faire des efforts, et bi'idnillahi azza wa jalla, ça va l'aider dans sa vie de tous les jours, c'est savoir se comporter face aux épreuves. C'est le chapitre précédent. Il y en a, on est tous éprouvés. Tout le monde est éprouvé via des dunya. Al-mu'min wa al-kafir. Enfin, le mu'min, il a un comportement par rapport à son din. Et même face aux épreuves, walillahi alhamd, il ne perd pas ses moyens. Il ne désespère jamais. Face à l'épreuve, et d'un côté, il est heureux. Même si d'un côté, il est triste, il y en a, c'est naturel, c'est un être humain. D'un autre côté, il sait que c'est pour son bien, comme Atakatam. Ce chapitre, c'est fi mu'asharati al-khalq. Donc, il faut bien comprendre pourquoi Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, rahimahullah, il a cité ce chapitre pour te montrer, akhil karim, ihdhar, fais attention de ne pas croire, comme beaucoup de personnes, iyadam billah, à notre époque, qui croient. Et ils font un raccourci très très dangereux. C'est quoi? On a le bonheur, la source c'est l'argent. Le bonheur, la source, c'est les biens de cette dunya. Vu que ils ont هذا المبدأ, ce principe, كثيرون من الناس, ils font beaucoup d'efforts. Tout ce qui est lié à la dunya et à l'argent, vous avez remarqué هذا. Pourquoi? À ton avis, les Ba'd, ils font des études pendant des années. Pourquoi le Ba'd se lève de 5h du matin et Obama il rentre la nuit chez eux? Que pour le mal. Que pour le mal. C'est pour ça qu'ils arrivent à faire des efforts. Pardon, mais ils voyagent. Ils délaissent famille, enfants. Les malades, ce travail qui est loin, il y a beaucoup plus d'argent. Ils patientent. Obama, il est tout seul dans une chambre et il patiente. Les malades, il sait qu'il gagne de l'argent. Enfin, si une personne, elle croit que la cause de son bonheur, ça sera l'argent, il fera beaucoup d'efforts pour avoir de l'argent. Lakin hada, c'est très très grave. Et c'est une mauvaise aqida. Et notre dîn est contredit ce principe. Tamamen. Limada. Lianna, celui qui pense que la cause du bonheur, c'est hada. Le jour où il aura plus d'argent, qu'est-ce qui va se passer? Il sera malheureux. Celui qui a comme principe, anna, le bonheur, c'est forcément lié à l'argent. Même s'il a de l'argent. Il travaille, il a un bon salaire. Walillahi alhamd, au lieu de s'occuper de sa famille, apprendre son din, faire des efforts, faire l'ibada, vu que l'insan il veut toujours être plus heureux, il fera des efforts pour avoir encore plus d'argent. Et taqaddam ma'ana al-hadith. un Ibn Adam, si tu lui donnes un wad min dahab, il voudra un deuxième. Wala yamla jawf Ibn Adam illa turab. Fahada, c'est très très important. Amma celui qui sait anna la cause du bonheur, c'est digne. Anna la cause du bonheur, c'est connaître sa croyance. Qu'il soit pauvre ou riche, il sera heureux. Qu'il soit en bonne santé, en mauvaise santé, il sera heureux. Il est emprisonné, oh, il est libre, il est heureux. Il est accusé, attaqué, il subit des injustices. Oh, il est complimenté, il a akhiré. C'est la même chose, il est heureux. L'imada, l'anna, son qalb, il est rempli de iman. Et c'est l'iman qui est cause de bonheur fi hadhihi dunya. Falihada, Cheikh Saadi rahimahullah, dans les chapitres de la fin, il cite ces abwab pour te montrer anna le bonheur, il n'est pas inda al-kuffar. Là, c'est pour ça que tu trouves comme min al-kuffar. Ils pensent, ou ils pensaient que le bonheur c'était forcément lié à l'argent, et hada, tu le vois beaucoup chez les responsables, les célébrités, ceux qui ont de l'argent, les riches, les acteurs, les sportifs et la akhiré. Ils ont des fortunes. Tu ne peux pas t'imaginer certains. Est-ce qu'ils sont heureux? Wallahi, kathir min haoula, ils ne sont pas heureux. Et hianan, ils le disent. Ils n'ont pas trouvé le bonheur. C'est pour ça que tu trouves qu'ils divorcent beaucoup. C'est pour ça que tu trouves qu'ils dépriment beaucoup. C'est pour ça que tu trouves ba'dhum, ils mettent fin à leur jour. Pourtant, c'est une célébrité, il a l'argent. Et il a beaucoup de choses de cette dunya. Pourquoi il a mis fin à ses jours? Il y a un problème. Les annahu, il lui manque la base. Il lui manque l'iman. Amma, plus tu feras des efforts dans ton din, même si tu n'as rien, ayyadam billah, tu penseras jamais à te suicider. L'imad al-yanna, c'est très très grave. Le suicide, ça fait partie des grands péchés. C'est ça la différence. Et il faut pas oublier قول الله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Si Allah il est معك, tu seras heureux في الدنيا والآخرة. Mais si tu as que l'argent معك, بعض الناس ils pensent qu'à ça. De l'argent, il faut remplir le compte en banque. ثم ils se sentent en sécurité. Ça c'est من الخذلان. Et هؤلاء ils connaissent pas leur dieu. هؤلاء في الحقيقة c'est حال الكفار. Et ceux qui suivent les kuffars min al-muslimin. À cause de leur péché, de leur insouciance, de leur ignorance, ils pensent, comme cet homme qui a été conseillé dans cette risala, ils pensent que le bonheur, il est inda haoula. Amman, on sait que le bonheur, tu l'auras si Allah, il est ma'ak. Inna Allah ma'alladhina attaqaw. Allah, il n'est pas forcément avec les riches. Abadan. Comme min al-aghniya, c'est le dhalama kafara mujrimin. Et comme min al-fuqara, ils sont à la khayr. Belle, tu trouves, en général, les pauvres, ils ont plus de facilité à accepter le dîme. Falihada, les suiveurs des prophètes, en général, c'était les pauvres, c'était du'afa. Inna Allah ma'alladhina attaqaw. Si tu veux que Allah il soit avec toi, ayyan suruk, il te secourt, il te facilite, il te guide, il t'ouvre les portes. Une chose, attaqwa. C'est quoi attaqwa? C'est le dîme. Inna Allah ma'alladhina attaqaw. Allah, il est avec ceux qui le craignent. C'est quoi attaqwa? C'est de faire les obligations et s'écarter des interdits. Tout ça, lillah, en suivant les prophètes. C'est ça, taqwa. Donc, si tu veux être heureux, fais tout pour qu'Allah soit avec toi. Inna Allah ma'alladhina attaqaw walladhina hum muhsinoun. Kadalik, Allah, il est avec le muhsinin. C'est quoi le muhsin? C'est ce qu'on va étudier aujourd'hui ensemble dans ce chapitre. Une partie, liyana al-ihsan. Il est de plusieurs catégories. Al-ihsan ma'allah. Et cette catégorie, elle est expliquée dans le hadith Umar radiallahu anhu. Al-ihsan an ta'bud Allah ka annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. C'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, où il te voit, azza wa jalla. Hada al-ihsan, c'est al-ihsan fil ibada. Il y a un autre ihsan, c'est l'ihsan ma'an nas. Avec les créatures en général. Et c'est notre sujet qu'on va lire ensemble. Fa ala kulli hal, hada, c'était un rappel pour bien nous situer dans cette risale. Enfin, la cause de la réussite, c'est fiddi. Le mal, Allah subhanahu wa ta'ala, il le donne à ceux qu'il aime et à ceux qu'il n'aime pas. L'argent, Allah, il donne aux muslimines et aux kuffars. Tu trouves beaucoup de kuffars, ils ont plus d'argent que de muslimines. Tu trouves des muslimines qui sont riches. Amma l'iman wa d-din, c'est que pour ceux qu'Allah il aime. Et hada, tu le trouves que chez les muslimines. Al-kafir, il n'a pas d'iman. On doit faire des efforts dans ce point essentiel. Et le reste, si ça vient, alhamdulillah, la bonne santé, l'argent, il a akhiré, si ça vient. Alhamdulillah, si l'insan il est éprouvé, c'est qu'un passage. Isbir. Fi dunya, il n'y a plus de problème d'argent, il y a fi jannah plutôt. Au paradis, il n'y a plus de problème d'argent, il n'y a plus de problème de santé, il n'y a que du bonheur. Enfin, c'est cette demeure qu'on doit viser en essayant d'appliquer le Coran et sunnah et les paroles de nos savants. Qala halul mu'min wa ghayr al mu'min fi mu'asharat al khalq. Et ça, c'est une cause pour être heureux. Si tu sais comment te comporter avec les gens, tu seras heureux. Même fi bilad muslimin. Même dans un bilad muslim où il y a guerre, pauvreté, mauvais comportement, il a akhiré, tu seras heureux. Et fi bilad al-kufr, vu que vivre hunak c'est une ma'siyah, c'est pas une cause pour être heureux. Limada li anna mujarrad, le fait de vivre faqat sans faire de péché. Le fait de vivre fi bilad al-kufr, c'est un péché en lui-même. Khassatan, celui qui a la capacité de sortir et il ne quitte pas dhalika al-balad. Et khassatan s'il est en danger dans son din. C'est une mukhalafa, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit hada. Donc la solution, c'est quoi? C'est de faire des efforts. Qala rahimahullah. ومما يتعلق به سرور الحياة ونعيمها وهمها وغمها معاشرة الخلق على اختلاف طبقاتهم. أي une des sources pour être heureux, Cheikh Saadi continue à conseiller cet homme, c'est d'avoir un bon comportement avec les gens. قال فمن عاشرهم بما يدعو إليه الدين استراح. Sahih. Et vous allez voir les exemples qu'il a cités, rahmatullah alayh, c'est très très convaincant. Celui qui se comporte avec le Coran, en se basant sur le Coran et sur Sunna, avec les proches et ceux qui ne sont pas proches, avec ses ennemis, avec ses amis, ça y est, il va se reposer. Et il aura une vie agréable. Hatta yamut. قال ومن عاشرهم بحسب ما تدعو إليه الأغراض النفسية فلا بد أن يكون عيشه كدرا وحياته منغصة. أما celui qui veut se comporter avec les gens, ayadan billah, avec ses passions, il pense qu'à ses poches, il pense qu'à lui, il veut toujours avoir le dessus, là il se fera beaucoup de mal. لماذا لأن vivre avec les gens c'est pas simple. خاصةً celui qui est mauvais, celui qui est mauvais il trouvera des personnes mauvaises, celui qui fait du mal il trouvera quelqu'un qui lui fait du mal. Falihada, celui qui se comporte avec autre que le Coran ou le Sunna, il se fait que du mal. Il fait du mal à son cœur et ça se voit sur lui. Il n'est pas heureux. قال الشيخ سعدي رحمه الله وتوضيح ذلك بأن الناس ثلاثة أصناف رئيس ومرؤوس ونظير. Ça c'est très très important. Et en fait, on en a parlé. La risala de Cheikh Ibn Uthaymeen رحمه الله sur le huquq, elle est importante. أي أنت, tu dois savoir, les gens, ils ne sont pas au même niveau. Et chacun, il a des droits. Le gouverneur, il a des droits. Le mari, il a des droits sur sa femme. La femme, elle a des droits. Le musulman, il a des droits. Le voisin, il a des droits. Le kafir, il a des droits. Si tu sais, tu connais les droits de chacun, à chacun, tu donnes son droit, et tu te comportes avec le Coran en suivant le Coran et la Sunna, tu seras heureux. Plus tu contredis, plus ton cœur il se serra et tu ne seras pas heureux, même si tu as des millions, akhil karim. Falihada, avant de citer, et ça c'est min al-ilm, avant de citer le comportement qu'il faut avoir avec les gens, Cheikh Saadi rahimahullah, awwalan, il te détaille, il y en a les gens, ils ne sont pas au même niveau. Tu n'auras pas le même comportement, une personne qui est comme toi et un gouverneur, un responsable. Falihada, les gens, ils sont de trois catégories. Ra'isun, que ce soit al-ri'asa, al-kubra, et le gouverneur, le président, le roi, les responsables du pays. Ou celui qui a une ri'asa, maintenant le père de famille, le mari, il a akhir. Et ri'asa, c'est wahed qui a une responsabilité. Et d'autres personnes, il doit revenir à lui. C'est ça, ra'is. Vous connaissez le mot ra'sun. Ra'is, c'est la tête. Ra'is, ça vient de ce mot. Ra'is, c'est la tête. Imma de la famille, imma du village, imma du pays. C'est une catégorie, on verra qu'il y a un comportement à avoir, ma'ahoula. Deuxième, wa mar'usun, et ceux qui suivent al-ra'is, matalan le peuple, matalan la famille, elle suit le père, l'enfant, il suit le père, wa hakada. Mar'usun, et wahed qui va recevoir des ordres. Wa nadir, nadir c'est quelqu'un qui est comme toi. T'es pas au-dessus de lui, t'es pas en dessous de lui. Pour résumer, pour schématiser l'an, Al-Ra'is, il est au-dessus de toi. Il peut te donner des ordres. Al-Mar'ous, il est en dessous de toi. Tu peux lui donner des ordres, maintenant ton enfant. Ou Al-Nadir, il est comme toi. Maintenant entre nous. Wahad, maintenant sa femme, il peut lui donner des ordres, elle doit lui obéir. Al-Mar'ahnoula, Nadir. Moi, je suis comme toi, toi, tu es comme moi. Enfin, trois catégories. Ra'isun, wa Mar'ousun, ou Nadir. Nadir, c'est quelqu'un de comme toi, pareil. Il va détailler les trois. وَأَمَّا مَنْ لَهُ رِئَاسَةُ حُكْمٍ أَوْ ثَرْوَةٌ أَوْ لَهُ أَتْبَاعٌ وَحَاشِيَةٌ فَلَهُ مَعَهُمْ حَالًا. Aïe, celui qui est raïs, imma, on a dit raïs al-kubra, le président, le roi, imma le père de famille dans son foyer, imma le chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, il peut donner des ordres et les employés doivent lui obéir. Il a une raïs. Et là, une responsabilité sur lui, ils doivent lui obéir. فَتَأَمَّلَ الْكَلَامِ. Comme il est important, comment se comporter. قَالَ فَلَهُ مَعَهُمْ حَالًا. Et ce raïs, il aura deux situations avec ses suiveurs. حَالَةٌ فِي مَا يَفْعَلُهُ مَعَهُمْ وَحَالَةٌ فِي مَا يُصِيبُهُ مِنْ أَتْبَعِهِ مِنْ خَيْرُ وَشَرْ. Deux cas. Le premier cas, c'est comment lui va se comporter avec eux. Est-ce qu'il va être doux? Est-ce qu'il va être gentil? Est-ce qu'il va leur donner? Est-ce qu'il va leur faciliter? Il a akhiré. La deuxième situation, comment eux ils vont se comporter avec lui? Est-ce qu'ils vont reconnaître le ma'rouf? S'il est mauvais, comment ils vont se comporter? Il a akhiré. Qala wa halatun fi ma yusibuhu min atba'ihi min khayr wa shar wa muwafiqin lit-tab' wa mukhalifin lah. Fa in huwa hakama ad-din wa ash-shar' fil halatayn استراحة وله أجر من الله إذا استعمل العدل معهم واستعمل النصح والإحسان وقابل المسيء منهم بالعفو وشكرهم على فعل المعروف والخير مبتغيا بذلك وجه الله. Première chose, أن هذا الرئيس, que ce soit un gouverneur, un président ou le père de famille ou un chef d'entreprise, si il fait du khair, il donne à chacun son haq, il a de la douceur, il est juste, il les conseille. S'ils font une erreur, il leur pardonne. Comment il va être le comportement de Ha'oula avec lui? Si c'est des uqala, si c'est des mu'minoun, ils n'oublieront pas le khayr. Ce chef d'entreprise, ils vont le respecter. Ils ne le voleront pas, sauf si il y a un khabith, kha'in. Même si quelqu'un fait le ma'rouf, et eux, iyadam billah, ils le trahissent. Lakin, si on parle des gens normaux qui reconnaissent le bien, enfin, ils ne le voleront pas. Ils viendront à l'heure. Hakada, le peuple, avec ce gouverneur juste, ils lui obéiront. Ils le respecteront. Ils détesteront ceux qui l'accusent et la akhri. Hakada, le père de famille. Femme et enfants, ils l'aimeront. Ils lui obéiront. Et dès qu'il parle, il l'écoute. Ou hakada, l'imada, les annahu, sa mu'amala avec eux, c'est fondé sur l'ihsan. Et il leur veut du bien. Le bien. Qala. وأيضا فإنه إذا تأمل فيما فعله من خير اطمأنت نفسه وانشرح صدره. On revient au raïs, à ce roi, à ce gouverneur, à ce père de famille, à ce chef d'entreprise. Si lui-même il a ses sifat, il a ce bon comportement, lui-même il sera tranquille. Il fait du bien, tout le monde l'aime, alhamdulillah, il n'a pas de problème. Enfin, plus l'insan il fait du bien et les gens ils répondent en bien, plus il aura une vie heureuse. قال فأين هذا من الرئيس الذي لا يبالي بظلم الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم ولا يبالي بسلوك طرق العدل والإنصاف وليس له صبر على أي أذية تصيبه من رعيه. أما celui qui fait du mal, qui est injuste et qui ne patiente pas et ربما il applique la dureté alors qu'il ne faut pas, il aura beaucoup de problèmes. Il ne sera jamais tranquille, il n'arrivera pas à dormir. Que ça soit une responsabilité énorme, ou si on prend même à notre niveau le père de famille, il ne sera jamais tranquille. Toujours des problèmes avec sa femme, avec ses enfants, et ils auront une vie, iyadam billah, très très difficile. قال فهو مع أتباعه في نكد مستمر ورعيته قد ملئت قلوبهم من مقته وبغضه يتربصون به الدوائر والفرص حتى إذا وقع في أقل شيء أعانوا عليه أعداء أعدائهم. أي les personnes qui sont sous la responsabilité de ce responsable, s'il a un mauvais comportement, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont le détester. Ils vont attendre la moindre faille pour se rebeller. Ils vont attendre, si wahed, il veut lui faire du mal, ils vont l'aider. Si on parle maintenant au niveau entreprise, ils vont le trahir, ils vont le voler, ils ne viendront pas à l'heure, ils ne travailleront pas correctement. La relation qu'il y a entre eux, c'est une relation de haine. Et une relation, chacun veut prendre le dessus. Ce n'est pas une relation de fraternité, ils s'aiment, ils se respectent. فهم معهم غير مطمئنين على حياته ولا على نعمته لا يدري متى تفجأه البلايا ليلا أو نهارا. Et lui, il ne sera jamais tranquille. À tout moment, ils peuvent se rebeller. À tout moment, ils peuvent lui faire du mal. حتى البعض, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'allient avec les ennemis de ce responsable. Que pour le faire tomber. Et ce responsable, il ne sera jamais tranquille. Est-ce que c'est une cause pour avoir une vie heureuse là? Les malades, le comportement. قال هذه حالة الرئيس على وجه الإجمال. Donc ça c'est le premier cas. الرئيس, on répète, c'est pas forcément le roi, le président. Là c'est celui qui a une responsabilité et chacun par rapport à sa responsabilité. Deuxième cas. وأما حالة المرؤوس. أي c'est celui qui est sous la responsabilité du رئيس. أي le peuple, كذلك la famille par rapport au père. Et on peut citer un troisième exemple, les employés par rapport au chef de l'entreprise. On ne parle plus du responsable, on parle ceux qui sont sous sa responsabilité. Maintenant, nous par rapport au gouverneur. Il a cité les exemples. Ça peut être le hakim, le gouverneur, ça peut être son seyyid pour l'esclave, ça peut être l'enfant pour son père. Ça peut être la femme par rapport à son mari. قال واستعمل الآداب الشرعية في معاملته والأخلاق المرضية فهو مع طاعته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم قد استراح وأراح. Et un, on est concerné, nous, par cela. كثيراً. Même si ton gouverneur il est injuste. عقيدة أهل السنة, on doit patienter. Le mal qu'il fait, il rendra des comptes يوم القيامة. Lequel on n'a pas le droit de se rebeller. On patiente, on fait dua pour lui, on a un bon comportement. Ou hakada la femme avec son mari, même s'il a des faiblesses, même s'il a des manquements, elle patiente, elle fait dua pour lui. Elle fait pas les mêmes erreurs que lui. Les anna, on a un problème, nahnu, anna hiyanan, on répond le mal par le mal. Foulan a un mauvais comportement, enfin on a un mauvais comportement. Foulan il fait des erreurs, on fait les mêmes erreurs. C'est pas comme ça que les choses elles se règlent. Allez, hada qala rahimahullah. واستعمل الآداب الشرعية في معاملته والأخلاق المرضية. لماذا؟ parce qu'il espère la récompense. نحن أحيانا on oublie هذا. On oublie la récompense et au lieu de faire les choses bien pour qu'Allah soit satisfait de nous, on veut répondre le mal par le mal et on se fait du mal qu'à nous-mêmes. Est-ce qu'à la fin on a réglé la chose? On n'a rien réglé. Est-ce que ton cœur il est toujours serré? Il est toujours serré. Enfin, c'est pas la solution. قال فهو مع طاعته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم قد استراح وأراح. Il a gagné des حسنات. لماذا؟ لأنه il obéit à Allah عز وجل et à son messager صلى الله عليه وسلم. كذلك استراح وأراح. Il est reposé, il est apaisé, il est tranquille, il a une vie alhamdulillah et en même temps il fait de mal à personne. Il ne fait pas de mal au gouverneur, la femme ne fait pas de mal à son mari, l'enfant ne fait pas de mal à son père, l'employé ne fait pas de mal à son patron, et il est fini. Tu trouveras que c'est la personne la plus heureuse, même s'il n'a pas beaucoup d'argent. Il est accroché à son dîn, il espère la récompense de l'au-delà, et il a un bon comportement. Même si quelqu'un lui fait du mal, ouais, il a un bon comportement. Il est viraha. Qala, wa tabat anhu nafsu ra'isi. Et en général, le gouverneur, il ne craindra pas Haoula. Limada, لأن il sait que Haoula ils sont à la dîn. فلهذا les gouverneurs, ولله الحمد, à notre époque, ils craignent rien de la part des Ahl-Sunna Salafiyoun. Limada, ils savent que même si eux ils font des fautes, Ahl-Sunni ils patientent. Et fait dua pour lui. Ils appellent les autres à ne pas se révolter. Pourquoi l'an, walillahil hamd, maintenant, nous faisons des roses? Pourquoi? Pourquoi ils nous laissent faire ces doloroses? Ils savent qu'on est d'Ahl Sunnah wa lillahi l'hamd. Ils savent qu'il n'y a que du bien qui peut sortir. On n'appelle pas à la révolte. On n'appelle pas aux manifestations. On n'appelle pas à casser. Ben, on appelle à patienter, à faire dua pour eux. Falihad, alhamdulillah, ils respectent Ahl Sunnah. Dans tous les pays en général. Enfin, c'est très très important. Wahakada maintenant, dans certaines entreprises, tu trouves le patron, il est très très apprécié. Et une semaine, il ne sait même pas ce qui se passe dans l'entreprise, là qu'il ne leur fait confiance. Le respect, il s'est installé dans le couple, et entre l'enfant, les enfants et les parents. Il dit, avec ce comportement, Inch'Allah ta'ala, tu ne crains pas de te faire punir, enfermer par imma par le gouverneur, imma te faire punir par tes parents, imma la femme par son mari, il a akhiri, limada li anna al-insan il a un bon comportement, et kadhalik il espère l'ihsan ou le birr de cette personne. Le père, quand il est satisfait de ses enfants, et il voit que ses enfants ils font des efforts, et ils ont un bon comportement, il a akhiri, qui c'est qui va être gagnant, le père il est gagnant. Limada, il y en a ses enfants, ils lui emmènent pas de problème, ils font des efforts, ils font salat, ils font des efforts, et les enfants ils sont gagnants. Limada, il y en a, dès que le père il a les moyens, il a de l'argent, il leur achète ce qu'ils veulent, il leur fait des cadeaux, il a akhiré. Amma, il y a des conflits entre père et enfant. A'oudou billah. Le père il est menacé, l'enfant il est menacé. Et ils sont dans une vie. A'oudou billah. Ta'b wa dhiq. Qala. وَأَمَّا مَنْ تَعَدَّى طَوْرَهُ وَعَصَى مَتْبُوعَهُ وَالْتَوَى فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ مُتَعَوِّقًا لِأَنْوَاعِ الْمَضَارِ يَمْشِي خَائِفًا وَجِلًا لَا يَقَرُّ لَهُ قَرَارٌ وَلَا يَسْتَرِحْ لَهُ خَاطِرٌ. أما celui qui ne respecte pas son responsable, que ce soit au travail, à tout moment il peut se faire renvoyer. Il vole, il vient pas à l'heure et il est khaif. À tout moment il peut se faire prendre. Tu prends au niveau avec le gouverneur. Prends l'exemple de Khawarij. Des assises secrètes. Ils essayent de faire des attentats. Ils essayent de faire kada. Et à tout moment, ils peuvent se faire emprisonner. Il a akhri. C'est une vie. C'est une vie très très difficile. Wahakada. Ici, on peut citer l'exemple. La ta'atul mar'a. L'obéissance de la femme à son mari. Isma. Il a qawl. امرأتي سعيد بن المسيب رحمه الله الإمام صفم ماذا قالت كما في حلية الأولياء وغيره من المصادر ما كنا على دي رحمه الله سعيد بن المسيب لبوك أبخي الصحابة من التابعين رضي الله عنه صفم على دي ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم. Elle a dit, radiyallahu ta'ala anha, à leur époque, ils parlaient avec leur mari comme nous, on parle avec les gouverneurs. On voit ta'atullah. Ils font ça pour Allah azza wa jalla. Mais le mari, c'est une créature, lui-même, il a des devoirs, il a des droits. Mais pourquoi cette femme a dit hada? Pourquoi les femmes à son époque, ils étaient comme ça? Parce qu'ils savaient que Allah Azza wa Jalla leur a ordonné d'obéir au mari. Enfin, elles parlaient à leur mari comme certaines femmes, elles parlent au gouverneur. Et elle a donné un exemple, Aslahakallah, Afakallah, Hakada, elle disait à leur mari. Pas des insultes, Iyadam Billah. Pas, An-Nisa, elle rentre en conflit, khalas, elle veut faire que du mal. Et elle ruse. Là, ça, c'est pas dans son intérêt. L'imada, c'est pas dans son intérêt. L'Anna, s'il y a des enfants, Obama, les enfants, yadhi'oun à cause d'un divorce. Au yom al-qiyam, elle trouve beaucoup de péchés si elle a été injuste. Ou hakada, le mari, s'il a été injuste. Enfin, c'est pas fi maslahat ahad. Qui c'est qui gagne? Qui est le gagnant, si on peut appeler gagnant fi hada? Alors qu'il gagne rien, hattahu, c'est Iblis. Il fait tout pour diviser le couple. Fantabihu li hada. Chacun doit faire des efforts, l'homme et la femme. Et la femme, même si le mari la démentement, tasbir lillah. Bien sûr, tant que tant qu'elle craint pas pour sa vie et pour son dîne, bien sûr. On va pas tout détailler. Mais qu'il y a des choses qui arrivent, une parole mal placée, un comportement mal placé, un jour il est pas venu à l'heure, tasbir lillah, et il a un haq azim sur elle, et ça sera la cause d'être heureux pour les deux. Et un nasiha à la kulli hal, elle doit se faire. Naam. Fa hadhihi al-mu'amala at-tayyiba c'est min asbab as-sa'ad. Amma munasarat an-nafs. Si on reste dans le couple, chacun va avoir le dessus. Chacun veut faire tomber l'autre. Chacun veut faire du mal à l'autre. Chacun va avoir raison. Na'oud billah. Vu que cet homme et cette femme ils vivent dans le même foyer, ça sera une vie très très difficile. Amma si chacun veut faire du bien à l'autre, chacun il espère le khair pour l'autre. Si la femme elle a fait une erreur, l'homme il essaye de l'encourager, lui montrer que c'est pas grave et il faut faire du bien. Kadhalik l'inverse. Vous verrez que ça ira très très bien. Très très bien. Et Shaitan y trouvera la porte fermée. Amam. Enfin, on a un exemple dans nos salaf. Qala rahimahullah. On revient au ummatn. Wa amma halatun nadir al-musawi. Troisième catégorie. Ces deux personnes, elles sont au même niveau. Personne n'a une responsabilité sur l'autre. Matalan, entre nous. Matalan, toi et ton voisin. Matalan, quand on va au masjid. On est tous pareils, des musulmans, des mu'minoun. Enfin, on a un comportement كذلك. قال فإن جمهور من تعاشرهم من الخلق إذا خالقتهم خالقتهم أي بالخلق أي la cité بالخلق الحسن اطمأنت نفسك. صحيح. Si tu as un bon comportement, tu verras que tu seras tranquille. Prends un exemple, tu vas au marché. C'est des personnes, c'est pas des responsables, c'est pas tu n'as pas d'ordre à leur donner, ils n'ont pas d'ordre à te donner. Entre nous, il y a le nasiha, l'amr bil ma'ruf, nahi an munkar, normal. Lakin, on est dans la même tabaka, on est au même niveau. Si tu as un bon comportement, fais la chèque que tu seras tranquille. Mais si tu as un mauvais comportement, Foulani va t'accuser, Foulani va te reprocher, Thomal insan, il veut avoir raison. Et ça te fait, à la fin de la journée, t'es fatigué. Et t'as la poitrine, t'as le cœur serré. Qala. اطمأنت نفسك وزالت عنك الهموم لأنك تكتسب بذلك مودتهم. Et les gens ils t'aimeront. خاصة في بلاد المسلمين. أما في بلاد الكفار, الكفار ils reconnaissent pas le haq. Ils trouveront toujours une faille pour t'accuser. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم nous a ordonné de partir. هذا on l'applique في بلاد المسلمين. Tu verras que si tu as un bon comportement, tu passes salam. Et quand tu conseilles فبالتي هي أحسن برفق. Si quelqu'un a besoin d'aide, tu l'aides. Ou hakala, si quelqu'un a fait une erreur, tu lui pardonnes. Tu verras qu'ils diront, ils n'auront pas peur de toi. Kadhalik, tu n'es pas dans le système de dunya, tu es un concurrent pour eux. Tu verras qu'ils te respecteront, dit-elle. Bel, hiyalan, ils reviendront à toi quand ils ont besoin de quelque chose. Qala, wa tukhmidu adawatahum. Ça, c'est important. Les annalbaad, ils ont cette adawa. Ils ont de l'animosité, ils ont de la haine, ils veulent faire du mal. Anta, tu fais tout pour éteindre cette haine. Avec le bon comportement, il est akhir. Et tu trouves qu'il y a des au départ, ils ont une mauvaise image, thumma, ils changent. Allez, hada, sabr, c'est la patience, c'est important. Qala ma'a ma tarjouh min azim thawabillah ala hadhihi l'ishrati allati hiya min afdal l'ibadat. Et bien sûr, tout cela, nous, on le fait l'illah. Amma al-mu'min, al-mu'hid, al-sunni, il n'a pas peur des gens. On a un bon comportement, ce n'est pas parce qu'on a peur ou on craint un tel, abadan. On a peur que d'Allah Azza wa Jal. Lakin tout ça, c'est min bab al-da'wa, et pour propager din al-islam et sunna, et كذلك pour les récompenses. Pour la récompense, on espère min Allah Azza wa Jal. Et كذلك c'est min afdal al-ibadat. Ça fait partie des plus grandes adorations, le bon comportement. Et si on revient à na'am, on fait un tambih à al-afu. On l'a cité ou ça va venir? On l'a cité. Naam. Wa tukhmid adawatahum ma'ama tarjouh min thawabillah ila akhirih. Fahada, c'est important. Khassatan avec l'awam. L'awam, les gens de la masse qui n'ont pas étudié, qui ne connaissent pas le Coran et le Sunna, qui n'ont pas d'ilm, qui sont beaucoup attirés par le dunya. Fahada, ahyanan, tu entendras certaines mauvaises paroles. Kadhalik avec des proches. Matalan, une sœur ou un cousin ou un beau-père ou une belle-mère ou un beau-fils ou muhim, il peut avoir rien une kalima ou un mauvais comportement. On doit faire attention de ne pas rentrer dans des conflits. Eux, ils suivent leur nefs. Et ba'adhum, ils sont capables de durer le conflit des années que pour avoir le dessus. Mais nous, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Tu dois être occupé par l'ilm, par l'ibada. Et tu sais que les conflits, ça va engendrer des mauvaises actions. On doit éviter ça. Comment faire ? En appliquant la parole d'Allah Azza wa Jal, wa la tastawi al-hasanatu wa la-sayyi'ah. Ta'ammal ce verset. Wa la tastawi al-hasanatu wa la-sayyi'ah. La bonne action et la mauvaise action, c'est pas pareil. Thumma qala Azza wa Jal, idfa' billati hiya ahsan. Fa idha alladhi baynaka wa baynahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Idfa' billati hiya ahsan. Repousse de la meilleure des manières, khassatan avec les proches. Faites attention, et on doit tous faire attention, on est tous concernés, de ne pas perdre nos moyens. Les conflits, ça devient énorme, et c'est difficile à arranger. Lui, il fait du mal, repousse de la meilleure des manières. Tu as du ilm, mais il n'a pas d'ilm. Tu sais que c'est la voix du prophète sallam, et lui, c'est un ignorant. Tu veux son bien, et lui, il ignore tout cela. Tu es une aide pour lui. ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم اي هذا الانسان ستم او ستفم يافي دو لانيموزيتي entre vous avec ce bon comportement et tu repousses de la meilleure des manières et tu patientes lillah donc la première récompense c'est les hasanat que tu trouveras يوم القيامه باذن الله عز وجل la deuxième chose قال عز وجل فاذا الذي بينك وبينه عداوه c'était ton ennemi, il te détestait, ça devient un allié proche. Rabbana, il te demande des excuses. Même s'il ne te demande pas, sa fierté l'empêche, au fond de lui, il sait que tu es à la khair. Enfin, il se fera tout petit. Mais des fois, on fait l'erreur et on rentre en conflit avec Haoula. Tu le trouves Hada fil masjid ma'al awam. Il provoque certains des juhal, il voit des frères qui appliquent la sunnah. Rentrez pas dans leur conflit. C'est un djahl. Le bon comportement, il montre sunnah. Ça ne veut pas dire qu'on se tait sur le haq et on ne montre pas le haq. Là, si c'est un ami et il ne connaît rien et tu vois qu'il suit son nefs, il ne fait pas partie d'un groupe égaré. Il ne connaît pas tout cela. Lakin, il défend que lui et il a peur pour lui. Il pense que le sunnah, ils vont lui changer, ils vont lui interdire. Idfa' billati hiya ahsan. Et beaucoup de frères, ils l'ont vécu avec le temps. Wallahi, ce vieux, c'est lui qui vient te demander. Ce vieux, c'est lui qui vient se confier. Thumma rubbama, ça devient un proche. Lakin au départ, ça arrive. Hakada, avec les proches. Qala azza wa jal, ka'annahu waliyun hamim, wa ma yulaqaha, illa alladhina sabaru, wa ma yulaqaha, illa dhu haddin azim. Lakin pour atteindre ce niveau, il faut faire des efforts, ya jama'a. Wa ma yulaqaha, et celui qui arrivera à faire hada, c'est qui? Illa alladhina sabaru. T'es obligé de patienter. Mais si on suit notre nefs, qu'est-ce que ton neuf, ça va te dire? Mais pourquoi tu te laisses faire? Pourquoi tu parles pas? Est-ce que tu as peur? Et on donne une mauvaise image du din, et nous aussi on fait l'erreur que Hada y fait, et est-ce qu'à la fin tu es tranquille? Peut-être. Ah, Satan, si c'est un proche. Ah, mais si c'est un étranger, le mal il est moindre. Peut-être que tu vas plus le voir, tu l'as vu une fois dans ta vie. Lakin avec les proches, avec les parents, avec les cousins, avec les tantes, avec la belle famille, c'est très très important. Les tu as des liens avec eux. Tu les vois Obama, tous les jours. Enfin, appliquez ça. قال عز وجل وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. Et ceux qui appliquent cela, ils auront un hadd azim عند الله, une récompense immense. On doit penser à ces récompenses et on doit faire attention à notre nefs, ne pas vouloir défendre ce nefs. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a patienté jiddan. Fata'ammal, al-ba'd, ils l'ont, comme ta'lamoun, quand il est parti à Ta'if alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont jeté des cailloux, ils l'ont insulté, ils l'ont accusé, il a saigné, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il fait du'a pour eux. Avec Allah, il guide hadal qawm. Fa'innahum la ya'lamoun, ils savent pas. Rahma. Et ils sont rentrés dans l'islam. Après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-jazira kulluha, ils sont rentrés dans l'islam. Une des causes, c'est du'a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. À ma perdre ses moyens et vouloir faire du mal encore plus. Et khasatan, pour celui qui veut propager sunna, c'est très très important. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq. Qala, fa inna al-'abd Et yablugu bi husni khuluqihi darajat as-sa'im al-qa'im. La haqiqa, il a cité hada, le Cheikh Saadi, pour te faciliter à appliquer hada. Un ce bon comportement, c'est pas un rabaissement pour toi. Si on pense à cette récompense, ça nous facilitera jiddan. On arrivera à patienter plus sur les gens, pardonnera plus. Il y a un al-afu, c'est une sifa azima, pardonner aux autres. Qu'est-ce que tu vas gagner si son cas il s'empire? Khas satan, si tu espères la récompense elle est azima. Comme a dit dans le hadith Aisha radiallahu anha. Le hadith il est dans Sunan Abi Dawud, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a sahha. Anna bi husn al-khuluq, tu atteindras avec le bon comportement le niveau de celui qui veille la nuit en prière et qui fait le jeûne la journée. C'est une récompense azima avec ton bon comportement. Qala wa husn al-khuluq lahu khasiyatun fi farah an-nafs la ya'rifu dhalik haqq ma'rifatihi illa al-mujarribun. Ay, le bon comportement, c'est une des meilleures causes pour que ton cœur y soit reposé, pour que tu sois tranquille, pour que tu sois heureux. Ben, c'est ça. Et hada, on n'a pas besoin de vivre chez les koufars pour appliquer hada. On l'applique. Vive l'aide des musulmans. Lakin l'an, il y a un problème maintenant, le ba'd. Vu qu'ils viennent, ou ils voyagent, ou ils essayent de rester quelque temps dans un pays musulman, ils rencontrent Foulan, ils volent, Foulan, ils insultent, Foulan, ils mentent, la corruption. Et ils ne patientent pas et ils pensent que pour être heureux, je vais retourner fi wilad al-kufr. Limadha ha'oula, ils ont du mal. Et anhum, ils ont oublié la récompense. Amma, si tu penses à la récompense de l'hijra, la récompense, elle est énorme. Awalan, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne tes fautes, tes péchés, bil hijra. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'élève, bil hijra. Tu as accompli une énorme sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une obligation, bil ijma', l'unanimité des savants que c'est obligatoire. Pour celui qui ne peut pas accomplir son din, fi bilad al-kufr, si tu penses à tout cela, ça va te faciliter. Summa, tu patientes avec tes frères musulmans, tu conseilles et tu as un bon comportement, tu penses encore à ces récompenses, enfin tu vas dire, alhamdulillah, ma fi bilad al-kufr, il n'y a que du mal. Même si personne t'insulte, même si personne te vole, ils combattent ton din et ils combattront tes enfants. Et tu n'es pas à l'abri. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tabarra'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est désavoué de ceux qui vivent inda al-mushrikin. Enfin, c'est comme ça qu'on doit réfléchir. On ne doit pas penser qu'au matériel. On ne doit pas penser qu'à l'argent. On regarde que, fi bilal kufr, il y a du travail, il y a de l'argent, c'est mieux. Bilal muslimin, il n'y a pas de travail, c'est pas bien. A'oudou billah, c'est quoi ce misère? Aïn addi. Qala, fa aïn hal hadha mimman ashara an-nas bi aswa al-akhlaq. Fa khayruhu mamnou'. وشره غير مأمون وليس له أقل صبر على ما يناله من المكدرات. صحيح. Le premier cas, il a cité l'exemple de celui qui patiente, il a akhiré. فأين, comment comparer à celui qui a un mauvais comportement? Il fait beaucoup de mal, il fait pas de bien, il patiente, Obama, une petite chose, il patiente pas, ou il y a une fujire, il perd ses moyens. Est-ce qu'ils sont comparables? Le premier, tu le trouveras, il sera heureux, il sera calme, il sera bien vu. Le deuxième, que des problèmes. Il va au masjid, des problèmes, il va au marché, des problèmes, chez lui, des problèmes, avec ses parents, des problèmes, avec sa femme, des problèmes, avec ses enfants, des problèmes, avec les voisins, des problèmes. Est-ce que Hala, il est heureux? Ah, peut-être. Même s'il fait apparaître qu'il est fort, qu'il n'est pas touché, wallahi, Allah, celui qui a des problèmes avec femme, enfant, parent, voisin, il a akhiré, il n'est pas tranquille. Limada, Allah, c'est un être humain. Qala fa hadha qad tanaghasat alayhi hayatuhu wa hadaratuhu humumuhu wa hasaratuhu fa huwa fi ana'in hadir wa yakhsha min ash-shaqa'il ajil. Il a tout résumé, rahmatullah alayhi. Anna hadha tanaghasat alayhi hayatuhu. Il a une vie misérable. قال وحضرته همومه وحسراته دائما تخيس دائما دي ريغري. Pourquoi j'ai dit مثلا à mon voisin, mais pourquoi je lui ai dit هذا, pourquoi j'ai fait هذا, il regrette. Et تعلمون ان les regrets احيانا c'est pas utile. بعض الناس ils se vexent très vite et nous on doit pas être comme ça, on doit pardonner. لكن tu trouves بعض الناس ils pardonnent pas, enfin fais attention au départ, fais attention, les ana c'est source de regrets et de tristesse بعد, خاصه si tu es en faute. Si tu n'es pas en faute et il ne veut pas revenir, il n'écoute pas, l'amr sahl. Lakin, si tu es en faute, n'tabih au départ. Amma al-ba'd, il se laisse aller, thumma il demande pardon. Et ahyanan, le frère ou la sœur, ils n'acceptent pas. Et nous, on conseille d'accepter. Celui qui demande pardon, on doit lui pardonner. Si on veut le khayr al-ajr. Qala, fa huwa ana'in hadir wa yakhsha min ash-shaqa' al-ajr. Non. L'insan, il se fait de mal, il se fait du mal, fait dunya, et كذلك ce mauvais comportement, ça pourra lui faire du mal يوم القيامة. قال وأما معاشرته مع أهله وأولاده ومن يتصل به فإنه يتأكد عليه القيام بالحقوق اللازمة تامة لا نقص فيها ولا تبرم. والنقص يحصل لكن الإنسان doit faire des efforts مع أولاده مع أهله avec les personnes dont il est responsable, femmes, enfants, ses parents, ses frères et sœurs, ses personnes proches, il doit faire du khayr. Et s'il glisse, il demande pardon. Et si wahed il fait une erreur avec lui, khas satan les parents. On ne doit pas hasab nos parents, yadam billah. Ba'd an-nas, wallahi, ils se comportent avec leurs parents comme les gens de l'extérieur. Il lui a fait quelque chose, les parents des fois, ils font des erreurs avec leurs enfants. Les parents ne comptent pas akhil kalim. Ils se sont trompés, le khayr qu'ils ont fait, c'est incomparable. Fatasbir. Et s'il faut conseiller, on conseille, surtout les choses qui sont liées au din. Lakin billati hiya ahsan. Amma, se comporter avec les parents comme les gens de l'extérieur, abadan. Même si c'est des kuffars, même si c'est des kafras, ils ont un haq et on se comporte convenablement. Qala, faman amala ha'ula'i bima amara Allah wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam radiyan biqiyamihi bihi thawab rabbihi wa ridha aasha ma'ahum aishatan radiyatan. Vous avez remarqué qu'il a, il a bien précisé « radien ». Tu espères la récompense. Il y en a ce bon comportement, c'est une ibad. On doit faire attention qu'à avec le bon comportement, l'apparence, l'hypocrisie. Je me comporte pour avoir un échange. Il m'a argent, il m'a autre chose. Là, le bon comportement, l'illah. L'illah, et on espère que Allah soit satisfait de nous. Et les fruits qu'il a cités, Cheikh Saadi, فالحمدلله هو profitera. قال ومن كان معهم في نكد وسوء خلق مع الصغير والكبير يخرج من بيته غضبانا ويدخله على أهله وولده متكدرا ملآنا فأي حياة لمن كانت هذه حالة وما الذي يرجو حيث ضيع ما فيه فرحه ومسرته عيادا بالله. بعضهم صحيح يسون هكذا. Des problèmes avec les grands, avec les petits. Chez lui, quand il sort, il est énervé. Quand il rentre, il a des problèmes. Il insulte, il accuse. C'est ça leur vie. Que ce soit dans leur foyer, s'ils sont mariés avec femmes et enfants, ou chez leurs parents, ou dehors, avec les gens. Alors que, comme a dit le Cheikh Saadi, « Ouam alladhi yardou » Qu'est-ce qu'il va espérer comme bien alors qu'il a dit, il fait du mal aux personnes normalement qui doivent le rendre heureux et lui doit le rendre heureux. Aïe, femmes, enfants, parents, il arrête. C'est-à-dire, si on ne fait pas de bien à nos femmes, à nos enfants, à nos parents, et eux ne nous font pas de bien, on va faire du bien à qui ? Famine huna, tu trouves le ba'd. Chez eux, ils sont quel usoud, comme des lions. Kibrun, wa ghatrasa, mauvais comportement, insultes, accusations avec femmes, enfants, parents. Et dehors, tu les trouves, ils sont très très doux. Bel, ceux de dehors, si tu leur dis, la foule, il fait telle chose, ils ont du mal à croire. Hadala yambari. Bon comportement dehors et dedans. Bel, al-haqiqa, nos proches, enfants, femmes, parents, même babi, awla, on doit avoir encore un comportement meilleur. Sans négliger ceux de dehors. Lakin, les copains, les amis, ils n'ont pas les mêmes hukouk que tes parents, akhil kalim. On doit bien faire attention à hada. Et ne pas oublier le khayr. Ses parents, ils ont fait beaucoup de choses pour nous. Jamais oublier le khayr. Même s'ils ont un naqs maintenant, les parents avec l'âge, quand ils n'ont plus personne à la maison, ils se retrouvent que entre eux et avec l'âge. Leur comportement avec la vieillesse, ils changent. On doit patienter, on n'oublie pas le khayr. Et n'oublie pas que si tu as des enfants, tu viendras un jour, tu seras comme tes parents. Et tu aimerais que tes enfants aient un bon comportement. Attention, comme tu te comportes avec les gens, ils se comporteront avec toi. En général. Qala. وأما عشرته مع معامليه فإن استعمل معهم النصح والصدق وكان سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى حصلت له الرحمة كما جاء في الحديث رحم الله عبدا إذا باع سمح كان سمحا إذا باع أو كما قال وإذا اشترى عليه الصلاة والسلام أي كالله فاس ميزيغورد ان عبد كونت يفون إلى شات إلى دو لا رحمة. Ou il a de la samaha, et il pardonne, il n'est pas trop dur, il ne compte pas chaque chose. Quand il vend, quand il achète, quand il prend une dette ou il donne une dette, فإلى تسون دون سا معاملة دو لا رحمة هكذا. أما البعض المعاملة معهم سي تري تري دور. المعاملة هنا سي تو سكي لي او كوميرس إلى آخره. On doit avoir un bon comportement كذلك في هذا الباب. Et on fait attention au vol, au mensonge, à la trahison. C'est très très grave. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit: Man ghashana falaysa minna. Et celui qui nous trahit, il ne fait pas partie de nous. Il ne fait pas partie de nous. Na'am qala wa faza bi sharafi wa li'tibari wa iktasaba mawaddata mu'amilihi wa dawama mu'amalatihim. Il y a une faïda azima fi ad-din. Celui qui a un bon comportement dans le mu'amala, dans le commerce, il a du ajr. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله عبدا كان سمحا إذا باع وإذا اشترى إلى آخر الحديث اللي في الصحيح. Il a une récompense عظيمة. أي النبي صلى الله عليه وسلم il a fait dua pour lui qu'Allah lui pardonne et lui fasse miséricorde. كذلك il y aura un fruit طيب في الدنيا أن les gens ils te feront confiance. Enfin, si tu es vendeur, ils te feront confiance, ils t'achèteront ta marchandise. Si tu es acheteur, ils te feront confiance. Obama, si tu n'as pas assez, tu paieras la prochaine fois. Il y aura de la rahma dans cette mu'amala. Amma celui qui est dur et qui est pas honnête, fahada il se fait du mal. Fil akhira il fait dunya. Les gens ils s'écarteront de lui. Qala wa la yakhfa ma fi dhalik min tayyib al-hayat wa surur an-nafs wa ma fi diddha min su' al-hal wa suqut al-sharaf wa tanaghus al-hayat. Et ça c'est une cause bien sûr pour être heureux. Amma celui qui a des mu'amala tayyiba et il gagne de l'argent dans le halal et les gens ils le respectent, c'est une cause pour être heureux. Amma celui qui a des problèmes, ils font du commerce, ils ont des problèmes avec tout le monde. Avec le distributeur, avec le commerçant, avec l'acheteur, avec le vendeur, avec tout le monde. Les mains, ils ne sont pas honnêtes. Et haoulala, je sais que ça joue sur eux. Même s'ils essayent de ne pas faire apparaître, ça joue. Qala, wala yirfa, qara'na, wal fariqu bayna ar-rajulayn huwa ad-din. Fa sahibu ad-din munbasitu an-nafs, mutma'inu al-qalb. C'est quoi la différence entre ces deux personnes? Et à chaque fois, il montrait celui qui a un bon comportement, celui qui a un mauvais comportement. C'est quoi la différence? La différence entre ces deux hommes, c'est din. Celui qui a fait des efforts pour l'ilm et qui fait des efforts pour appliquer le Coran et le Sunnah, tu trouveras un où il aura un bon comportement. Et celui qui ne fait pas d'efforts et qui ne donne pas d'importance à son din, tu trouveras il aura un mauvais comportement. Même s'il a un bon comportement dans certaines choses, c'est pour un profit personnel. قال فقد تبين لك ان السعاده واللذه الحقيقيه بجميع انواعها تابعه للدين. Il a conclu ce chapitre بهذا الكلام الجميل ان pour être heureux, il y a pas de secret. Pour être heureux, la solution, c'est appliquer son din. On répète, c'est pas l'argent. C'est pas l'argent. Là, l'argent, ça peut te rendre heureux, ça peut te rendre très malheureux. Et même si ça te rend heureux, ça doit être par rapport au din. Illa, c'est un bonheur éphémère. On fait des efforts. Ne pas oublier as-sabr. Tu seras touché. Même si tu as un bon comportement, tu seras touché par des personnes qui ont un mauvais comportement. Tu es en bonne santé aujourd'hui, demain, tu peux tomber malade. فالصبر فلهذا قال عمر رضي الله عنه كما في الزهد للإمام أحمد وجدنا خير عيشنا في الصبر أو بالصبر وجدنا خير عيشنا بالصبر أي عمر رضي الله عنه الصحابي الجليل la solution pour être heureux à leur époque c'était quoi? C'était la patience. Si tu patientes pas tu feras pas grand chose. واحد il va mal te parler, tafshel, tu perds tes moyens. Robama ça te rend triste une semaine. واحد robama il t'a volé, robama ça te rend triste des semaines. La bud min sabr. Et pour patienter, il faut avoir un iman qawi fil qadar. Ça aide à patienter. Anna tout est écrit. Ce qui est passé la tahzan, fais des efforts pour ce qui arrive et demande à Allah subhanahu wa ta'ala salama wa naktafi بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.